Combien de verbes y a-t-il dans cette phrase? Je me suis dit, mais ce qu'il faut faire, c'est créer une école. Je déclare le conseil ouvert. On ne se moque pas, on écoute celui ou celle qui parle, on demande la parole, la priorité sera donnée à ceux ou celles qui parlent de moi. Je donne la parole à... Bienvenue dans le podcast Grandir, l'éducation en mouvement. Un podcast qui vous raconte la création d'une école, la Lab School Paris. Un podcast qui a pour ambition de partager des savoir-faire, des expériences et des connaissances dans le domaine de l'éducation. Un podcast à destination des enseignants, des professionnels de l'éducation et de toute personne s'intéressant à ce sujet. Nous le savons désormais. Nombre de métiers qui existent aujourd'hui vont être amenés à disparaître, tandis que les métiers de demain n'existent pas encore. Le numérique transforme nos vies et notre rapport au monde. Le rôle de l'école n'est pas seulement d'enseigner des contenus, mais aussi de savoir-être, pour donner aux jeunes les moyens de développer pleinement leur potentiel. Leur apprendre à apprendre tout au long de la vie, tout en développant leur créativité, leur esprit critique et leur capacité de discernement. Dans cet épisode, les élèves prennent la parole et nous livrent leurs ressentis, leurs émotions, leurs difficultés et leurs joies concernant la période de confinement et l'école à distance. Pascale Hague, fondatrice de la Lab School Paris et du Lab School Network, chercheuse au laboratoire Bonheur, nous présente les résultats d'une grande enquête réalisée auprès de plus de 700 élèves, de l'élémentaire au lycée. En moi, ce serait éprouvant. Bien. Alors, nul. Ennuyeux. Drôle, mais éprouvant. Moi, j'aimais bien. Le confinement a évidemment bouleversé le quotidien des enseignants, des élèves, des étudiants, des familles. Et un certain nombre d'enquêtes ont été menées par différents laboratoires de recherche. Il y a eu notamment des enquêtes qui ont été menées par l'Institut français de l'éducation auprès des familles et auprès des enseignants. Il y a d'ailleurs un podcast aussi sur cette question avec Luc Ria et Patrick Rayou sur le podcast de l'Institut français de l'éducation qui s'appelle « Cas d'école », je crois. Et donc, au laboratoire Bonheur, le choix qu'on a fait, c'était de donner la parole aux élèves, parce qu'il nous avait semblé que finalement, les paroles des enseignants, des parents, des familles étaient relativement bien prises en compte. Et nous avons lancé, avec des collègues Jean-Louis Durpère et François Durpère, une enquête en ligne, qui a été lancée d'abord, dans un premier temps, auprès des collégiens uniquement. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, je me suis dit que c'était dommage de réserver la parole aux collégiens et j'ai proposé de généraliser le questionnaire. Donc j'ai mis une nouvelle version du questionnaire qui était ouvert non seulement aux élèves des écoles publiques mais aussi de toutes les écoles privées sous contrat et hors contrat. Et en l'espace de quelques jours, on a eu pour cette enquête-là 700 réponses qu'on a commencé à analyser. Donc il y avait toute une série de questions à la fois sur les usages du numérique. On s'est rendu compte qu'ils utilisaient évidemment beaucoup plus les outils numériques qu'ils ne le faisaient en temps normal. Un certain nombre de questions aussi sur les matières auxquelles ils consacraient le plus d'attention, sur ce qui leur manquait, sur ce qu'ils appréciaient quand même pendant cette période. On leur a aussi demandé si finalement ils retiraient certaines choses positives de cette période-là. Et aussi ce qui suggérait pour la suite. Donc en bref, pour ce premier volet de l'enquête auquel on a eu donc 730 réponses à peu près, ce qui leur manquait le plus, nous ont-ils dit, c'était leurs amis, en particulier pour les élèves d'élémentaire, hein, les cours. Pour certains aussi, là aussi les élèves d'élémentaire disaient que le périscolaire leur manquait aussi beaucoup. Les profs manquaient à tout le monde, et encore pour les élèves d'élémentaire, les récréations leur manquaient. Donc on voit que pour les plus jeunes, c'était aussi des activités qui sont des temps d'échange informel, comme les récréations ou le périscolaire, alors que pour les plus grands, et notamment les lycéens, le périscolaire n'était pas tout à fait central. Par contre, les profs et les cours et les amis ont manqué à tout le monde. Comme Sacha, retrouver ses amis et avoir des maîtresses pour accueillir. Alors, il y a, comme tout le monde dit, retrouver les copains et surtout les embrouilles parce que ça commence à manquer que personne ne se tape sur les nerfs. Utiliser beaucoup plus les ordinateurs parce que pour les réunions Zoom et les Jetty et tout ça, comme normalement on fait ça pendant le matin, mais comme on ne fait pas, on utilise que rarement les ordinateurs. Pas, comme pour l'histoire, on les utilise, mais comme pour les maths, on ne les utilise pas, le français, non. Mm-hmm. Donc, c'était donc une des pratiques. On utilisait beaucoup plus les ordinateurs. Mm-hmm. Et un inconvénient, on n'a pas de récré. Un autre point bien avec le confinement, c'est que on peut finir quand on veut. Mm-hmm. Y a pas de genre ça se finit à 16h. On leur a demandé aussi ce qu'ils avaient apprécié pendant cette période. La question était une question ouverte pour qu'ils aient vraiment l'espace de répondre, même si souvent les réponses étaient assez courtes. Et c'était est-ce que vous réussissez à vous pensez retirer quelque chose de positif de cette période-là ? Et là, de manière unanime, ils ont tous, enfin une grande majorité, a évoqué la question de l'autonomie. Ils étaient nombreux à dire voilà, j'ai découvert que je pouvais être autonome, c'est bien pour la préparation de l'entrée en sixième ou bien c'est bien pour la préparation de la fac. Certains ont évoqué, et notamment ceux d'élémentaire aussi, le fait que ça changeait leur qualité de vie. Ils pouvaient vivre à leur rythme, passer plus de temps en famille, se lever plus tard, apprendre à leur rythme. Et ça, on s'est rendu compte que finalement, il y avait un certain nombre de contraintes, évidemment, dans la vie scolaire du quotidien. Ils ont évoqué aussi le fait de pouvoir manger ce qu'ils aiment manger. Et donc des éléments de leur vie quotidienne qu'ils ont pu apprécier. Et toujours chez les élèves d'élémentaire, le fait de passer plus de temps en famille, de faire l'école avec papa et maman à la maison, leur a semblé important. Alors que chez les lycéens, c'est plutôt le fait d'avoir plus de temps pour réfléchir, pour apprendre à leur rythme et pour travailler en autonomie qui est ressorti de manière assez centrale. Moi j'ai trouvé que ma méthode elle était pas efficace au-delà de l'école, enfin parce qu'à l'école ça allait encore, mais du coup à distance c'est là que ça commence, parce que j'ai trouvé que ma méthode elle était pas efficace et donc j'essaye d'en trouver une autre et aussi c'est super cool parce qu'on m'aide à en trouver une autre. Donc en fait finalement le confinement c'est ça qui t'a permis à te rendre compte qu'il fallait que tu changes de méthode de travail. Et que aussi que l'organisation c'était quelque chose de très compliqué pour moi. Je trouvais que j'arrivais mieux à faire mon travail à la maison parce qu'il y a moins de bruit. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin d'être en dehors de ma famille pour apprendre, parce que c'est compliqué, parce que tout le monde vient vers moi. Par exemple, j'ai dû beaucoup, par exemple, vu que mes parents ne pouvaient pas aider mon petit frère, moi j'ai dû beaucoup aider mon petit frère. Alors, du coup, j'avais un peu un parent en fonction d'une matière, sans j'avais ma mère à la maison, mais c'était pas toujours. Généralement, mon père c'était pour les maths même, et pour le français. Et l'histoire et la géographie, généralement j'arrivais. Et ma mère c'était pour l'espagnol. Parce que j'avais pas forcément besoin de me lever de mon lit, sauf pour manger. Donc ça c'était agréable. Ils m'ont beaucoup aidé, mes parents. Mais pas seulement pour le travail donné par l'école, j'ai appris d'autres choses en plus. Ma mère elle m'a appris un tout petit peu la théorie de la musique. Mon père, quand je partais à l'école, il apprenait le français à la maison. Et donc je ne savais pas du tout. Et maintenant, déjà moi-même j'apprends le français, donc parfois je l'aide et il me demande des petits trucs comme ça. Mais je l'aide parfois, mais je ne savais pas qu'il est en train d'apprendre le français. Mmh. Voilà. Dans la suite de l'enquête, on leur a aussi demandé, parce que même si en début de confinement, on ne pouvait pas forcément anticiper la suite, on ne savait pas s'il y aurait de nouvelles périodes de reconfinement, mais on voulait quand même avoir un espèce de retour en direct sur leur vécu. Et notamment, on leur a demandé s'ils travaillaient plus que pendant la période scolaire ou différemment, et ce qu'ils pouvaient suggérer pour que le confinement se passe mieux pour eux. Et donc je dis dans l'ordre les suggestions qui ont été faites, c'était parmi des suggestions, donc c'était pas des questions ouvertes mais des questions fermées auxquelles on pouvait répondre plutôt oui, plutôt non, pas du tout, etc. Donc la première chose qui est ressortie, c'est que les élèves suggèrent de proposer des activités plus intéressantes. Et dans les commentaires, on a eu parfois des élèves qui disaient ben les cours nous arrivent comme ça par mail ou bien sur Pronote ou sur un espace numérique de travail, et puis on se retrouve tout seul avec nos exercices, c'est pas forcément très stimulant. Ce qui a été compliqué aussi, c'est pour certains, ils demandaient de donner des consignes de travail plus précises. Et ça, dans le podcast que j'évoquais tout à l'heure de l'Institut français de l'éducation, une initiative a été signalée qui est des enseignants qui prenaient des élèves tests, c'est-à-dire avant de donner les consignes, ils avaient deux ou trois élèves qui recevaient les consignes en avance et qui pouvaient faire un retour à l'enseignant pour demander des précisions, et ça permettait donc de mieux répondre et de donner des consignes plus précises. Donc on voit que les enseignants d'emblée se sont adaptés et ont essayé vraiment de répondre le mieux possible aux besoins des élèves. La troisième et la quatrième réponse, c'était lié aux outils informatiques, améliorer la qualité des outils informatiques et mieux former les enseignants aux outils informatiques. Alors ça aussi, on sait que les enseignants comme les élèves ont été très inégaux dans face à la fois à leur maîtrise des outils informatiques et puis à leurs équipements, puisque souvent ils travaillent, enfin toujours d'ailleurs, les enseignants travaillent avec leur matériel personnel qu'ils ont acheté avec leurs propres deniers, ça n'a pas été fourni par l'institution. Et les formations n'étaient pas toujours prévues d'emblée pour leur permettre de se former. C'est quelque chose qui est en train de changer très vite. Mais l'enquête au mois d'avril reflète cette inégalité. Et puis, en beaucoup moins saillant, il y avait l'idée de changer l'emploi du temps, parce que pour certains élèves, ils se sont retrouvés avec leur emploi du temps habituel, mais à faire tout seul à la maison. Et ils ont apprécié d'avoir plus de liberté dans le choix de leur temps de travail et de leur organisation. Moi, je suivais le programme. Des fois, je me levais plutôt pour commencer à faire le journal de bord et la vidéo, parce que comme ça, j'ai commencé un travail avant le rendez-vous à 9h, mm-hmm. 9h15. Et sinon, j'arrivais bien à m'organiser. Des fois, j'oubliais d'envoyer mes devoirs, mais je les faisais le lendemain. Donc c'était un peu mitigé. Alors moi j'ai appris que Nourritress savait faire des programmes très organisés, car j'ai beaucoup aimé tous les programmes de Cécile et Pauline. Donc c'était vraiment bien. Et qu'elles savent aussi répondre très clairement. Parce que quand on pose des questions dans le chat, elles répondent vite et clairement. On a eu le sentiment qu'il y avait finalement une sorte de continuum entre deux pôles, et indépendamment ça du niveau des élèves, qu'ils soient en élémentaire ou au lycée. D'un côté, on avait des élèves qui se sentaient bien accompagnés et qui disaient que finalement, ils se sentaient dans une relation plus humaine avec les enseignants, qu'il y avait une considération plus personnelle, la possibilité aussi de poser des questions en privé par mail, qui ne mettaient pas les élèves potentiellement en but à des moqueries ou à s'exposer par rapport à des incompréhensions. Et les familles aussi ont trouvé qu'il y avait un bon lien avec les enseignants, notamment en élémentaire. Et à l'autre bout du continuum, on a des élèves qui se sont sentis submergés, qui se sentaient en échec et qui disaient qu'ils avaient du travail mais qu'ils pouvaient pas poser de questions aux enseignants, que la relation était dépersonnalisée parce que les devoirs arrivaient sur un espace numérique, qui était très angoissé par la suite, par le fait d'être en échec, et qui se plaignait des consignes peu claires. Donc ça peut refléter à la fois le niveau des élèves comme le contexte dans lequel ils se sont trouvés, puisque tous les enseignants n'ont pas pu faire face et répondre de la même manière à cette situation. Et donc, ce qu'on peut retenir de cette enquête, principalement, c'est pour les enseignants, pour leur pratique, c'est de laisser au maximum, dans la mesure du possible, des espaces de communication, et donc pas forcément un seul canal, avec la possibilité, si possible, d'avoir un espace d'échange privé pour que les élèves puissent vraiment s'exprimer. D'éviter aussi la surcharge d'informations et de devoirs sans pouvoir faire forcément de retour aux élèves, mais leur donner plutôt des tâches où ils ont besoin d'être acteurs et prendre part à la construction de leur cursus en quelque sorte. Et puis se souvenir aussi que les élèves se sont dit vraiment touchés par les enseignants qui prennent la peine de leur demander comment ils vont, de savoir si dans leur famille tout le monde est en bonne santé. Et qui ont vraiment fait une distinction entre les profs qui ont fait leur devoir et ceux qui ont, je les cite, les élèves là, qui disaient qu'ils voulaient vraiment qu'on s'en sorte. Moi j'ai appris que les maîtresses éprouvaient beaucoup d'affection pour nous, parce que quand on est revenu à l'école, bah, elles étaient très contentes de nous voir. Et nous aussi d'ailleurs. Bah alors moi, ce que j'ai trouvé comme à l'école et que je trouvais vraiment bien, c'est que vous étiez toujours là. Pour nous aider, par exemple, à des moments, j'avais des problèmes pour me connecter au PNED et j'ai envoyé plusieurs messages à Florence, elle me répondait dans la minute et c'était vraiment bien. Mm-hmm. C'était bien de savoir que même si enfin, on n'était pas dans la même salle à travailler, bah, vous étiez toujours là pour nous aider. À la Lab School, en complément de cette enquête qui était complètement anonyme et surtout qui portait sur des situations vraiment très diverses, on a souhaité aussi garder le lien de manière un peu plus proche avec les familles et avoir des retours immédiats. Et on a mis en place un document partagé sur Framapad, un document qui comprenait trois sections, un coin des élèves, un coin des parents, grands-parents et autres adultes qui accompagnaient les enfants, et un coin pour l'équipe éducative. Et c'était anonyme, mais tout le monde pouvait voir les réponses des uns et des autres. Et il y avait trois questions auxquelles les participants étaient invités à répondre. C'était complètement sur la base du volontariat, il n'y avait aucune obligation. La première question était « ce que j'ai aimé ou ce que j'aime ?» La deuxième est « ce qui pourrait être différent ?» et améliorer. La troisième était ce que j'ai appris, moi, depuis le début du confinement. Et puis, il y avait la possibilité d'ajouter des remarques ou des commentaires supplémentaires. Pour les élèves, évidemment, il y avait d'autres moyens qui ont été mis en œuvre parce que tous ne sont pas à l'aise à l'écrit. Et il y a eu des conseils d'élèves, il y a eu évidemment des cours en vidéo sur Zoom, Google Hangouts ou d'autres supports. Et il y a eu aussi vraiment des conseils d'élèves formels qui ont même été enregistrés, sur lesquels un de nos jeunes collègues chercheurs va pouvoir mener une recherche pour voir comment les pratiques démocratiques ont pu se continuer même durant le confinement. Donc là, j'ai quelques notes qui sont uniquement sur le document partagé que j'ai relevé. Et on a vu que ce que disaient les élèves, c'était par exemple au sujet des rendez-vous quotidiens qui avaient lieu. Ils ont dit, là je cite, « Le rendez-vous du matin nous permet de pouvoir garder un rythme. » Et les parents renchérissaient en disant « Le rendez-vous du matin, le rassemblement du matin qui donne un rythme à la journée. » L'organisation qui a permis à l'enfant de s'adapter rapidement, et un tableau qui a été distribué chaque semaine avec des activités et des devoirs, un tableau pour éviter d'oublier d'envoyer un travail qui était facile pour nous parents, et on peut voir très facilement si un travail manque. Ils ont trouvé aussi que c'était intéressant de suivre un rythme quotidien dès 9h du matin malgré la difficulté du confinement. Et ça, c'est une chose qui est ressortie aussi des enquêtes de l'Institut français de l'éducation, c'est que il y avait en gros là aussi deux sortes de familles, des familles qui ont mis en place une organisation qui visait quand même à garder un rythme, avec éventuellement des grands tableaux d'organisation et des temps de jeu et des temps de travail, et d'autres familles qui se sont laissées un peu emporter par le confinement qui était facile à vivre pour personne, et finalement ceux qui ont le mieux suivi, ceux qui ont le moins décroché, c'est quand même ceux qui ont gardé un rythme. Donc ça, l'école pouvait y aider. Ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est que la diversification des supports, hein, qui permettait de limiter un peu le travail face à l'écran, était un atout. Donc toujours ce programme détaillé, transmis en début de semaine avec des propositions de jeux, avec des ressources à imprimer et des interfaces ludiques qui ont permis une bonne alternance entre l'usage de l'écran et puis des feuilles de papier, des jeux imprimés, des choses comme ça. Moi j'ai trouvé que la même chose que Nicolas, que il avait toujours les mêmes choses. Aussi le fait qu'on avait quelque chose qui se répétait sur le matin, comme par exemple on a gardé le rituel du matin et tout ça, ça donnait un peu comme si on était un peu en classe. Moi je trouve que les maîtresses, des fois elles parlaient beaucoup, beaucoup, mais ça nous aidait. Et des fois, elle parlait un peu moins. Et ça nous aidait. Pas assez. Pas trop assez. Donc après, je devais demander tout seul au maîtresse. Parce que aussi, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux. Les vidéos. Les vidéos. Mmh. Donc ça fait beaucoup de bruit. Et des fois, on ne comprend pas tout. Mmh. Donc, des fois, je devais aller demander. Seule aux maîtresses. Mm-hmm. On se parlait par ordinateur. Des fois, on comprenait pas trop les mots que disait l'autre parce que des fois, il y avait du bruit, mais la plupart du temps, ça allait. Moi, j'aime pas trop travailler à la maison parce que moi, je trouve que la maison, c'est pour se reposer, pour être avec ses parents ou. Voilà, donc pour travailler, au début c'était un peu difficile, mais après ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps. Et après c'était bien, donc voilà. Au niveau de la qualité de vie, donc ça rejoint aussi ce que nous ont dit les gens sur l'enquête en ligne, mais des élèves nous ont dit être avec mon chat toute la journée. Ma plus grande distraction chez moi, c'était mon chat, parce qu'il montait sur mon ordinateur. Ou bien des après-midi avec moins de devoirs et plus d'activités. Et des parents ont dit passer plus de temps et travailler avec ma fille, ce travail accompagné crée finalement aussi un moment d'échange et un rituel quotidien apprécié quand le télétravail le permet, parce que les parents, ils avaient eux leur télétravail à assurer de leur côté évidemment. Et puis un papa qui nous a dit les nouveaux usages numériques qui explosent, organiser mon temps entre télétravail et suivi de scolarité ou d'activité familiale, trouver de nouvelles occupations. Donc il y a quand même eu des parents qui ont trouvé que c'était assez stimulant. Et alors évidemment, pour être complet, tout n'a pas toujours été facile et tout n'a pas fonctionné parfaitement. En particulier au début, certains parents nous ont dit qu'il y avait des difficultés de connexion, qu'il fallait apprendre aux élèves aussi à participer à des réunions en ligne, par exemple apprendre à couper son micro lorsqu'on ne parle pas, utiliser le chat pour intervenir sans interrompre celui qui a la parole. Et poursuivre les conseils d'élèves qui a été fait à distance aussi n'a pas été évident au début, et donc ça s'est organisé peu à peu. Alors qu'au début les élèves disaient sur Hangout c'est le bazar et on n'arrive pas à se concentrer le matin. Voilà, donc tout ça s'est mis en place petit à petit. En fait, moi j'aimais pas comme des fois sur le groupe cycle 3, non, sur le groupe CM1 CM2, j'entendais quand j'étais en train de travailler bing bing bing. Et bah en fait ça m'énervait, donc en fait ce que j'ai fait c'est j'ai enlevé les notifications. Moi, Ramouta, c'est moi, je faisais très très peu de messages sur les lignes. Et toutes les deux secondes, par contre, j'entendais un message qui disait « Tidum, tidum, tidum, tidum ». Tu voyais qu'il y avait beaucoup d'échanges, mais toi, tu n'y participais pas forcément, c'est ça? Oui. Ok. Moi aussi, je n'avais pas d'imprimante. Donc, si je voulais quelque chose pour imprimer, je devrais dire à ma mère d'aller au travail et d'aller un jour sur deux imprimer, et ouais, donc c'était assez énervant. Et quand elle revenait, c'était après qu'on mange, donc après je dois faire l'après-midi et tout ça. Moi je suis d'accord avec Iléa parce que je mettais à peu près au moins 20 minutes, je devais scanner, après envoyer, s'il y avait trop de documents, je devais tout recommencer. Donc ça prenait assez de temps et j'envoyais les travaux en retard, parfois. Et donc après j'avais plus de courage, j'étais un peu déprimée, donc ça arrive, des semaines je ne le faisais même plus. Et donc j'avais tellement de travail à la fin à envoyer, donc après je m'y mettais. c'était assez compliqué. Et puis moi aussi, je suis d'accord avec Layla, mon perroquet, bah, il m'a cassé ma touche d'ordinateur. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de thé dans tout ton travail. Et c'est un peu embêtant. Et donc maintenant, je ne sors plus parce que du coup, il vient sur mon lit, il touche à mes affaires. On essaye d'en tirer aussi les meilleures leçons pour la suite. Et donc les leçons les plus importantes, c'est vraiment comment garder du lien, c'est diversifier les activités et puis personnaliser au maximum les apprentissages de façon à ce que les élèves puissent continuer à apprendre à leur rythme et sans se sentir mis en échec parce que ça va trop vite ou sans s'ennuyer parce que ça va pas assez vite. Pas pour mon bénéfice personnel étant donné qu'elle change d'école l'année prochaine, mais je propose qu'on puisse grignoter. Grignoter quoi? Parce que ça m'aide mieux à réfléchir, moi. Je grignote un morceau de pain pendant que je faisais mes mathématiques sur ordinateur, ça m'aidait à mieux réfléchir.